L'activité militaire entre les batailles de Badr et Uhud. La bataille de Badr fut la première confrontation armée de grande envergure entre les musulmans et les associateurs, et une bataille décisive où les musulmans remportèrent une victoire historique reconnue par tous les Arabes. Deux camps ne pouvaient qu'être très dépités par ce succès des musulmans. Les polythéistes mécois, qui avaient essuyé de lourdes pertes, et les juifs, qui voyaient une menace pour leur entité économico-religieuse. D'où leur haine, leur courroux et leur rancœur à l'encontre des musulmans. Allah dit à ce propos « Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. » Sourate 5, verset 82, selon le sens du verset. Ces deux groupes avaient à Médine des alliés qui avaient adopté un islam de façade pour préserver leurs intérêts. À leur tête se trouvait Abdullah ibn Ubay. Les bédouins du désert, établis aux alentours de Médine, vivaient notamment de pillage. Ils étaient totalement indifférents à cette question essentielle qu'est la foi, mais l'inquiétude les gagna au lendemain de la bataille de Badr. L'établissement à Médine d'un état fort pourrait mettre fin à leurs pratiques illégales, d'où le ressentiment qu'ils commençaient à nourrir à l'encontre de l'islam et des musulmans. Ces quatre groupes représentaient un danger qui cernait de toutes parts les musulmans. Ils cherchèrent inlassablement à nuire aux intérêts de la religion nouvelle, chacun à sa manière. Hypocrisie mêlée à des complots et à des actes provocateurs à Médine et dans ses environs, hostilité ouvertement exprimée par les Juifs et à la Mecque, des appels incessants à la vengeance accompagnés d'une mobilisation générale aux fins de réduire au silence pour toujours la voix de l'islam. Ces efforts maléfiques allaient prendre plus tard la forme d'une action militaire, l'expédition d'Uhud, qui eut des conséquences fâcheuses sur la réputation et le prestige des musulmans. Les musulmans purent étouffer ces dangers grâce au génie dont faisait preuve le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la direction de l'état naissant. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, était vigilant quant aux menaces que faisaient planer sur eux les quatre groupes mentionnés plus haut, et élaborait les plans adéquats pour les contrer et les faire échouer. Nous allons maintenant relater quelques événements qui mettent en exergue l'habileté du prophète alayhi salatu wassalam et la justesse de ses réactions. L'expédition d'Al-Qudr. Des informateurs musulmans rapportèrent que les Banu Sulaym de Ratafan préparaient une attaque contre Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam prit alors l'initiative de les devancer en organisant une attaque surprise contre eux sur leur propre territoire à un point d'eau appelé Al-Qudr. Les Banu Sulaym, en l'apprenant, prirent la fuite. Il demeura là pendant 3 jours, prit leurs 500 chameaux comme butin qu'il distribua à ses soldats après en avoir prélevé le cinquième, comme le Coran l'avait stipulé. Chaque soldat reçut ainsi 2 chameaux. Un esclave du nom de Yassar échut en partage au prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'affranchit. Cette expédition eut lieu au mois de Shawwal de l'an 2 de l'Hégire, 7 jours après le retour de l'armée musulmane de Badr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait désigné comme son lieutenant à Médine Siba ibn Arfata, ou selon une autre version, ibn Maktoum. Une tentative de meurtre contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Les Mécois suffoqués d'indignation étaient assoiffés de vengeance à cause de la terrible humiliation de Badr. Pour sortir de cette situation, 2 polythéistes projetèrent d'éliminer la cause de tout leur malheur, à savoir le prophète, alayhi salatu wassalam. Omer ibn Wahb al-Jumahi, un terrible polythéiste, et Safwan ibn Umayya étaient assis côte à côte et se lamentaient sur le sort des morts qui avaient été jetés dans un puits de Badr. Safwan dit « Par Allah, la vie n'a plus de goût après leur trépas. » Omer, dont le fils Wahb était détenu à Médine, exprima tout à coup le désir fervent de tuer le prophète, alayhi salatu wassalam, mais il dit qu'il avait beaucoup de dettes à régler et une famille aux besoins de laquelle il devait subvenir. Safwan offrit alors à Omer d'acquitter sa dette et de prendre en charge sa famille. Omer accepta et demanda à Safwan d'être discret au sujet de leur projet. Il partit pour Médine, muni d'une épée sur laquelle il appliqua un poison mortel. Omar ibn al-Khattab, qui évoquait avec quelques musulmans le bienfait qu'Allah leur avait accordé le jour de Badr, le vit faire agenouiller sa monture au seuil de la mosquée et il comprit immédiatement la raison de sa venue. Il vint tout de suite en informer le prophète alayhi salatu wassalam dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de l'introduire auprès de lui. Omar le tira par le ceinturon de son épée et demanda à des Ansar de s'asseoir près du prophète alayhi salatu wassalam pour le protéger contre Omer qui ne lui inspirait aucune confiance. Omer dit en guise de salutation « Bonjour », ce à quoi le prophète alayhi salatu wassalam répondit qu'Allah, par un effet de sa grâce, avait appris aux musulmans le salut des habitants du paradis, c'est-à-dire « que la paix soit sur vous ». Le prophète alayhi salatu wassalam l'interrogea sur les objectifs de sa visite et Omer répondit qu'il était venu voir son fils et demanda qu'il soit bien traité. Le prophète sallallahu alayhi wasallam lui dit « Pourquoi donc cette épée ?» Il répondit « Maudites soient ces épées, nous ont-elles été utiles ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam de dire « Dis-moi la vérité, pourquoi es-tu venu ici ?» Il dit « Je ne suis venu que pour cela. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'informa alors de son entretien avec Safwan. Entendant son récit, Omer dit « J'atteste que tu es l'envoyé d'Allah. Nous ne croyons pas en ce que tu nous disais tenir du ciel et en la révélation qui descendait sur toi. Or personne, hormis Safwan et moi-même, n'a pris part à cet entretien. Par Allah, seul Allah aurait pu t'en informer. Gloire à Allah qui m'a guidé vers l'islam. » Il formula après cela l'attestation de vérité. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à ses compagnons d'enseigner à Omer les principes de l'islam, de lui réciter les versets du Coran et de libérer son fils. Pendant ce temps, Safwan se nourrissait d'illusions quant à la vengeance de leur honneur bafoué, qui ferait du même coup sombrer dans l'oubli le mauvais souvenir de Badr. Il attendait impatiemment des nouvelles de Omer, mais à son extrême surprise, on lui apprit qu'il avait embrassé l'islam et qu'il était devenu un croyant sincère. Omer retourna plus tard à la Mecque, où il se mit à prêcher l'islam et il parvint effectivement à susciter beaucoup de conversions chez les Mécois. L'expédition Ghazwa contre les Banu Qaynuqa. Nous avons déjà parlé du traité que le prophète alayhi salatu wassalam avait signé avec les Juifs. Il fut très scrupuleux dans le respect de ce pacte et il veilla à ce qu'il en fût de même pour les autres musulmans. Les Juifs, toutefois, se permirent de comploter et de susciter des divisions au sein de la société musulmane en plein essor. Voici un exemple significatif de leur comportement. Shas ibn Qais, un Juif âgé, grand idolâtre et jaloux des musulmans, passa un jour près d'un groupe de compagnons de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, appartenant en partie au Haus et en partie au Khazraj. Il sentit qu'un esprit de réconciliation et d'amitié s'était instauré entre les membres des deux tribus. C'est pourquoi envoya-t-il auprès d'eux un jeune juif pour leur rappeler la guerre de Bu'ath qui les avait opposés et leur réciter des vers évoquant cet événement. L'objectif était de semer les graines de la discorde et de saper les nouvelles relations intertribales fondées sur la fraternité islamique. Le jeune juif réussit à mener à bien son entreprise diabolique et les membres des deux tribus se souvinrent du passé. Les vieux démons du fanatisme tribal ressurgirent et un conflit fut sur le point d'éclater de nouveau. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut informé de cette situation et immédiatement, à la tête d'un groupe de muhajiroun, il se rendit auprès des Ansar. Il leur dit « Ô musulmans, mettez-vous encore en avant des arguments de l'ère de l'ignorance, de la jahiliya, alors que je suis parmi vous. Souvenez-vous qu'il est blâmable pour vous de tourner le dos et de revenir en arrière après qu'Allah vous a guidé sur le droit chemin, vous délivrant ainsi de l'ignorance et de la mécréance et réconciliant vos cœurs. » Les Médinois se rendirent compte à ce moment qu'ils venaient de suivre des suggestions sataniques faisant partie d'un complot ourdi par l'ennemi. Ils s'embrassèrent alors mutuellement et retournèrent chez eux sereins et pleinement obéissants aux paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là un exemple des pratiques des Juifs. Ils ne cessaient de semer la dissension, de forger des mensonges, de simuler leur croyance en la mission prophétique au début du jour et de la dénier à sa fin, pour semer le doute dans l'esprit des faibles quant à l'authenticité du message de l'islam. Dans la vie quotidienne, ils menaient la vie dure aux musulmans du point de vue financier. S'ils avaient une dette envers un musulman, ils se dérobaient à leurs obligations, arguant qu'ils ne pouvaient la rembourser car ayant été contractée lorsque le créditeur suivait encore la religion de ses aïeux. Le prêt devenait en quelque sorte caduque du fait de l'adhésion de celui-ci à l'islam. Mais si c'était l'inverse et qu'ils avaient prêté de l'argent à un musulman, ils ne cessaient de le harceler jour et nuit afin d'en obtenir le remboursement. Les Juifs agissaient ainsi depuis l'établissement du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, nonobstant le pacte conclu avec les musulmans. Ces derniers, quant à eux, faisaient preuve de patience, espérant qu'ils reviendraient à de meilleurs sentiments et s'employaient à préserver la sécurité et la paix de la région. Les Banu Qaynuqa brisent le pacte conclu. Voyant qu'Allah était aux côtés des croyants et qu'il leur accordait une victoire manifeste et ne pouvant plus supporter la présence des musulmans à Médine, les Juifs ne purent se contenir plus longtemps ou cacher leur hostilité. Ils commencèrent à commettre une série d'actes provocateurs et nuisibles de façon publique. Les plus hostiles parmi eux étaient les Banu Qaynuqa, qui vivaient dans des quartiers de Médine portant leur nom. Ils étaient surtout orfèvres, forgerons et fabricants d'ustensiles ménagers. C'est pourquoi possédaient-ils des armes de guerre. Ils comptaient 700 guerriers, étant les plus audacieux parmi les Juifs d'Arabie, et furent les premiers à briser le pacte de coopération et de non-agression qu'ils avaient contresigné avec le prophète alayhi salatu wassalam. Leur conduite devint extrêmement impolie et insupportable. Ils se mirent à provoquer des troubles, raillant les musulmans, bousculant ceux qui fréquentaient leurs boutiques et intimidant même leurs femmes. Ainsi, la situation générale s'aggrava et le prophète, alayhi salatu wassalam, les rassembla pour les sermonner et les exhorter à être raisonnables et sensés, les mettant en garde contre toute autre transgression à venir. Abu Daoud et d'autres traditionnistes ont rapporté, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, à son retour de Badr, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, réunit les Juifs sur la place du marché des Banu Qaynuqa. Il dit « Ô assemblée de Juifs !» Ils répondirent « Ô Muhammad, ne te crois pas fort du fait que tu as vaincu quelques Qurayshites inexpérimentés dans l'art de la guerre. Si tu devais nous rencontrer au combat, tu te rendrais compte que nous sommes des experts dans ce domaine. » À ce propos, Allah révéla les versets suivants. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or Allah secourt qui il veut de son aide, voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. Sourate 3, versets 12 et 13, selon le sens des versets. La réponse des Banu Qaynuqa équivalait donc à une déclaration de guerre. Le prophète alayhi salatu wassalam maîtrisa sa colère et conseilla aux musulmans d'être patients et tolérants en attendant la suite des événements. Les Juifs des Banu Qaynuqa ne firent qu'aggraver leurs transgressions, leurs conduites orgueilleuses et leurs pratiques outrageantes. Un jour, un orfèvre juif provoqua une femme musulmane en attachant le bas de son vêtement à son dos, ce qui découvrit aux yeux de tous ses parties intimes. Un musulman qui passait par là tua l'homme et il fut lui-même assassiné par les Juifs en guise de représailles. La famille de ce musulman lança un appel à l'aide et cela constitua les prémices de la guerre. Le samedi 15 du mois de Shawwal de l'an 2 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam vint à la tête de ses soldats assiéger les fortins des Juifs, l'étendard des musulmans étant porté par Hamza ibn Abdul Muttalib. Le siège dura 15 jours. Allah sema la terreur dans les cœurs des Juifs et ils furent contraints d'accepter le jugement du messager alayhi salatu wassalam quant à leur vie, leurs biens, leurs femmes et leurs enfants. Et ils furent ligotés. C'est à ce moment que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul s'acquitta de son rôle d'hypocrite, intercédant en faveur des Juifs en prétextant de l'ancienne alliance qui les liait à sa tribu, les Khazraj. Il dit à l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Ô Muhammad, traite bien mes confédérés !» Voyant que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne lui répondait pas, il réitéra sa requête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui. Abdullah ibn Ubay le saisit alors par sa cotte de maille. Le prophète alayhi salatu wa sallam, dont le visage devint pourpre de colère, lui ordonna de le relâcher, mais il refusa en disant « Par Allah, je ne le ferai que lorsque tu me promettras de bien traiter mes confédérés, 400 hommes sans armure et 300 pourvus d'armure qui m'ont protégé contre tout le monde. Tu veux les tuer en une seule matinée ? Par Allah, je suis un homme qui craint les revers de la fortune. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, traita avec égard Abdullah ibn Ubay, qui n'avait fait semblant d'être musulman que depuis un mois. Il lui accorda sa requête, mais exigea le départ des Banu Qaynuqa loin de Médine. Ces derniers allèrent s'établir en Syrie, mais la plupart d'entre eux périrent. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, saisit tous leurs biens qu'il distribua entre les combattants musulmans après en avoir mis de côté un cinquième. Ce fut Muhammad ibn Maslama qui collecta le butin. L'expédition Ghazwa d'As-Sawiq. Les activités hostiles étaient menées indépendamment sur deux fronts à l'encontre du prophète, alayhi salatu wassalam. D'un côté, il y avait les complots et intrigues ourdis par Safwan ibn Umayya, les hypocrites et les juifs, et d'un autre, il y avait les préparatifs militaires menés par Abu Sufyan qui voulait restaurer l'honneur de son peuple et faire savoir aux autres Arabes qu'il fallait encore compter avec la puissance militaire des Quraychites. Après l'humiliation de Badr, Abu Sufyan avait juré de ne pas se laver la tête avant de s'être vengé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il partit pour Médine à la tête de 200 hommes, mais il n'eut pas assez de courage pour l'attaquer en pleine journée. Il préféra mener des raids nocturnes. Il s'infiltra dans la cité et vint trouver un vieil allié, Huyay ibn Akhtab, qui avait cependant trop peur pour le laisser entrer chez lui. C'est pourquoi il partit chez Sallam ibn Mishkam, le chef d'une tribu juive, les Banu Nadir. Le juif l'informa de la situation intérieure à Médine. Tard dans la nuit, Abu Sufyan envoya un groupe de ses hommes pour exécuter un acte de piraterie à Al-Arid, dans la banlieue de Médine. Là, les pillards brûlèrent des palmiers, tuèrent deux musulmans avant de s'enfuir vers la Mecque. En apprenant la nouvelle, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se lança à leur poursuite, mais en vain. Les musulmans ramenèrent juste les provisions composées de sawir, une sorte de bouillie à base d'orge, que les polythéistes avaient abandonnée afin d'alléger leur monture et de faciliter leur fuite. C'est pourquoi cette campagne fut dénommée l'expédition d'As-Sawiq. Elle eut lieu au mois de Dhul-Hijja de l'an 2 de l'Hégire, deux mois après la bataille de Badr. L'expédition Ghazwa de Dhu-Amar. Elle fut déclenchée au mois de Muharram de l'an 3 de l'Hégire. Apprenant que les Banu Tha'laba et les Banu Muharib rassemblaient des soldats pour piller les alentours de Médine, le prophète alayhi salatu wassalam partit à la tête de 450 cavaliers et fantassins afin de faire face à cette nouvelle menace. Il confia à Othman ibn Affan la gestion des affaires de Médine en son absence. En chemin, les musulmans capturèrent un homme, Jabbar ibn Tha'laba, qui se convertit à l'islam et leur servit de guide. Lorsque les ennemis apprirent la nouvelle de l'approche des musulmans, ils se dispersèrent dans la panique vers les montagnes. Les musulmans établirent leur campement près d'un point d'eau appelé Dhu-Amar pendant tout le mois de Safar, ou presque, de l'an 3 de l'Hégire. L'objectif du prophète alayhi salatu wassalam était de montrer aux bédouins du désert de cette région la force des musulmans et leur primauté sur leurs ennemis. La mise à mort de Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf était le juif le plus hostile à la cause de l'islam et des musulmans, le plus enclin à porter préjudice au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne cessait d'appeler à la guerre contre lui. Il appartenait à la tribu de Tayy, mais sa mère était des Banu Nadir. C'était un homme riche, réputé pour sa beauté, et un poète vivant de façon luxueuse dans son fortin au sud-est de Médine, derrière les habitations des Banu Nadir. Lorsqu'il apprit ce qui s'était passé à Badr, il s'exaspéra, jurant qu'il préférait la mort à la vie si cette victoire s'avérait exacte. Lorsque la nouvelle fut confirmée, il rédigea des poèmes satiriques contre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, faisant l'éloge de Quraysh et appelant à prendre les armes contre le prophète alayhi salatu wa sallam. Il partit même pour la Mecque où il attisa les feux de la haine et de la rancœur contre les musulmans de Médine. À Abu Sofiane, qui lui demanda laquelle des deux religions, celle de Muhammad et ses compagnons ou celle de Quraysh, il préférait, et lequel des deux groupes, les musulmans ou les polythéistes de Quraysh, étaient sur la bonne direction, Ka'b répondit que les païens étaient les mieux guidés. C'est à ce propos qu'Allah révéla le verset suivant. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée ajouter foi à la magie et au tarot, aux fausses divinités, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. Sourate 4, verset 51, selon le sens du verset. Puis il retourna à Médine afin d'y mener avec force une campagne de calomnie sous la forme de poèmes où il évoquait la beauté des femmes musulmanes. La situation devenant insupportable, le prophète alayhi salatu wassalam rassembla ses compagnons et leur dit « Qui est prêt à tuer Ka'b ibn al-Ashraf ?» Il a insulté Allah et son messager. Muhammad ibn Maslama, Abbad ibn Bishr, Al-Harith ibn Aus, Abu Abs ibn Hibr et Salkan ibn Salama, le frère de l'aide de Ka'b, se portèrent volontaires pour accomplir cette tâche. Selon les versions se rapportant à cet événement, Muhammad ibn Maslama dit « Ô messager d'Allah, souhaites-tu que je le tue ?» Il dit « Oui ». Muhammad ibn Maslama dit alors « Permets-moi de lui parler de la façon que je jugerai appropriée. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Parle-lui comme tu le souhaites. » Ainsi Muhammad ibn Maslama vint trouver Ka'b et lui dit ceci « Cet homme, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, a décidé de nous prélever de fortes sommes en guise d'aumône et cela nous a plongés dans une grande détresse. » En entendant ces paroles, Ka'b dit « Par Allah, il vous jettera dans des ennuis bien pires encore. » Muhammad ibn Maslama répondit « Sans doute, mais maintenant nous sommes devenus ses compagnons et nous ne voulons pas l'abandonner avant de voir comment ses affaires vont tourner. Je veux que tu m'accordes un prêt. » Il dit « Et que me donneras-tu en gage ?» Muhammad répondit « Que désires-tu ?» Ka'b, immoral et sans cœur, répondit « Vos femmes. » Muhammad ibn Maslama dit « Mettrions-nous en gage nos femmes alors que tu es le plus beau des Arabes ?» Ka'b dit alors « Donnez-moi vos enfants en gage. » Ce à quoi Muhammad ibn Maslama répondit « Comment te laisserions-nous nos enfants en gage ? L'un de nos fils aurait honte d'avoir été mis en gage pour deux wasqs de dat, une unité de mesure. Mais par contre, nous pouvons te proposer nos armes. » Ka'b accepta. Salkan ibn Salama, Abu Na'ila, vint trouver Ka'b une autre fois pour le même motif. Sauf qu'Abu Na'ila se mit d'accord avec Ka'b pour revenir avec des compagnons qui partageaient les mêmes sentiments que lui à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam et qui étaient eux aussi dans le besoin. Le plan fut ainsi couronné de succès, Muhammad ibn Maslama pouvant dès lors se rendre auprès de Ka'b ibn al-Ashraf avec armes et compagnons sans que celui-ci ne se méfie. La nuit du 14 du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 3 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam les accompagna jusqu'à Baqir al-Arqad, puis leur dit « Partez au nom d'Allah, ô mon Dieu, sois pour eux un soutien. » Revenant chez lui, il pria de nouveau Allah avec ferveur. Les hommes arrivèrent chez Ka'b de nuit. Ce dernier vint vers eux, bien que sa femme eût essayé de l'en dissuader en disant « J'ai entendu comme la voix d'un meurtrier. » Il dit « Il ne s'agit que de Muhammad ibn Maslama et de mon frère de lait, Abu Na'ila. Quand un homme d'honneur est appelé la nuit, il se doit de répondre, même s'il risque d'être transpercé par une lance. » Abu Na'ila dit à ses compagnons, « Lorsqu'il descendra, j'étendrai ma main vers lui comme pour sentir le parfum se dégageant de sa tête, et quand je l'aurai saisi fermement, vous ferez votre travail. » Ainsi, lorsque Ka'b fut descendu, ils parlèrent ensemble pendant près d'une heure. Puis les hommes l'invitèrent à une promenade au clair de lune. En chemin, Abu Na'ila remarqua « Ton parfum est le plus suave que j'ai jamais senti. » Ka'b dit « Oui, j'étais avec la femme qui se parfume le mieux dans toute l'Arabie. » Abu Na'ila dit encore « Permets-moi de sentir le parfum sur tes cheveux. » Il dit « Oui, vas-y. » Ainsi Abu Na'ila lui saisit la tête pour humer le parfum. Puis il dit « Permets-moi de recommencer. » Il saisit alors fermement Ka'b et dit à ses compagnons « Accomplissez votre tâche !» Et ceux-ci le tuèrent. Ils rebroussèrent ensuite chemin. L'un d'eux, Al-Harith ibn Aus, fut blessé par erreur d'un coup d'épée lors de l'exécution et il saignait sérieusement. Lorsqu'ils atteignirent Baqir al-Arqad, ils s'écrièrent « Allahu Akbar ! Allah est le plus grand !» Le prophète alayhi salatu wassalam les entendit et comprit qu'ils avaient tué l'ennemi d'Allah. Quand ils l'aperçurent, il leur dit « Que ces visages récoltent le succès ». En réponse, ils dirent « Qu'il en soit aussi de même pour toi, ô messager d'Allah ». Ils jetèrent à ses pieds la tête du tyran. Il glorifia Allah pour ce succès, puis il appliqua de sa salive sur la blessure d'Al-Harith, qui cicatrisa immédiatement. Lorsque les Juifs apprirent la nouvelle de la mort de Ka'b ibn al-Ashraf, ils furent terrorisés. Et même leur cœur, qui était aussi dur que de la pierre, furent saisis d'une panique indicible. Ils comprirent à ce moment que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'hésiterait désormais plus à user de la force si les bonnes paroles et les avertissements échouaient. Ils demeurèrent dès lors prostrés et résignés, faisant semblant de rester fidèles aux engagements conclus par le passé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut désormais libre de se concentrer entièrement sur les dangers extérieurs. L'expédition Ghazwa de Bahram. Au mois de Rabi' Thani de l'an 3 de l'Hégire, le prophète, alayhi salatu wassalam, mena une campagne dans la région d'Al-Fara' avec 300 combattants. Ils restèrent sur place jusqu'au mois de Jumad al-Oula de la même année. Aucun affrontement n'ayant eu lieu, les musulmans regagnèrent Médine. L'expédition Sariya de Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Ce fut la campagne la plus fructueuse parmi celles qui précédèrent la bataille d'Uhud. Elle se déroula au mois de Jumad al-Akhira de l'an 3 de l'Hégire. L'été approchait. Il était grand temps pour les caravanes commerciales de Quraysh de partir pour la Syrie. Les Quraychites vivaient essentiellement de leur commerce avec la Syrie l'été et avec l'Abyssinie pendant l'hiver. Et ils étaient perplexes quant au choix de la route à emprunter afin d'éviter les frappes militaires que les musulmans infligeaient avec succès aux polythéistes. Ils se réunirent afin de discuter et décidèrent de suivre une piste commerciale en direction de l'Irak à travers le Najd. Safwan ibn Umayya mena la caravane le long de la nouvelle route. Des renseignements concernant cette réunion furent portés à la connaissance des musulmans par l'intermédiaire de Sulayt ibn Nu'man, qui, n'ayant pas dévoilé sa conversion, réussit à recueillir l'information de la bouche de Na'im ibn Mas'ud al-Ajja'i au cours d'une buverie, les boissons alcoolisées n'ayant pas encore été interdites. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rassembla sans tarder 100 cavaliers qu'il plaça sous le commandement de Zayd ibn Haritha al-Kalbi, et il leur demanda d'intercepter la caravane. Ils rattrapèrent cette dernière à un point d'eau dénommé Qarda. Les polythéistes furent pris par surprise et leur guide, Furat ibn Hayyan, ainsi que deux autres hommes furent capturés. Safwan et ses gardes s'enfuirent sans avoir opposé la moindre résistance. La caravane transportait de l'argent et des marchandises dont la valeur globale s'élevait à 100 000 dirhams. Le butin fut réparti entre les soldats musulmans après que le cinquième en fut prélevé. Furat ibn Hayyan embrassa l'islam par la suite de son plein gré. Ainsi, la tentative des Quraychites pour trouver une nouvelle route commerciale échoua. Les Mécois étaient terriblement anxieux et inquiets pour leur avenir, et ils étaient face à deux options pour retrouver leur prospérité et leur prestige d'antan. Soit ils abandonnaient tous leurs signes d'arrogance et leur attitude méprisante en se réconciliant avec les musulmans, soit ils lançaient une guerre d'envergure dans le but d'écraser militairement Médine. Il est évident que les Quraychites optèrent pour la seconde solution. Des cris guerriers résonnèrent partout à la Mecque, exigeant une vengeance immédiate et des représailles. Ces événements constituèrent les préliminaires directs de la bataille d'Uhud.